Leçon 4. Page 80. Activité 2 et 3. Piste 70. Il est quelle heure ? Emma, il est 8 heures. C'est encore tôt. À quelle heure on rentre ? Nous rentrons à 9 heures. D'accord ? D'accord. On a encore une heure pour la promenade.